Si les pointeurs ont bien pointé et les tireurs bien tiré, le résultat est en rapport. On leur a foutu une belle rouste. Le mot rouste est désormais populaire en français. Il est d'origine méridionale. On rencontre moins souvent. Ils se sont fait strier, étriller, ou ils ont pris une belle lippe, une belle fessée. La pire fessée, c'est le 13 à 0, baiser le cul de Fanny ou simplement la Fanny. Mais Fanny, généralement écrit avec un Y, comme sur l'affiche de Dubout pour le célèbre film de Marcel Pagnol, est une plantureuse dame du Nord. Ici, on écrirait Fanny comme on écrit Magali I. Variante sur le thème de la rouste. Peu cher, les pauvres. Ils ont pris des points comme dans une banaste. Une grande corbeille en osier. Ils se sont fait mascarer, mâchurer, noircir. À l'opposé, les vainqueurs ont marqué des points à boudre, en quantité. Ils ont fait marmande. En pays de tradition camarguaise, cela se traduit par des points, on en a fait une manade. Référence au nombre de têtes dans un élevage de taureaux. Contrairement aux apparences, la rouste n'est généralement pas due à l'infériorité de l'équipe battue. On n'a pas eu de chance. Et puis, avec cette cagnasse, ce fort soleil, excuse suprême. On avait fait un gros apéro, on avait quiché sur le pastaga, on avait insisté sur le pastis. Autrement, c'est sûr, on les aurait battus. De toute façon, rares sont les joueurs qui ne trouvent pas d'excuses à leur défaite. En pays de tradition camarguaise, le mot fée est d'abord associé au taureau. La fée du bio, la passion des taureaux. Mais existe aussi la fée du ballon et bien entendu la fée des boules. Tu peux croire qu'il a une brave fée, une sacrée passion. Cette passion peut se révéler dévorante. De celui qui s'y adonne sans mesure, on dit qu'il s'abestit, il s'abétit, ou pire, qu'il s'y attisse. Tu en as qui vivent que pour les boules, ils s'y attissent. C'est plus une passion, c'est une maladie. Pour être un champion, la passion ne suffit pas. Il faut aussi avoir du biais, savoir s'y prendre. Il a bon biais, peut-être qu'il expédiera, dit-on d'un jeune joueur prometteur. Peut-être qu'il va éclore, il ne lui reste plus qu'à s'entraîner régulièrement. La fée n'est pas toujours récompensée. Après une longue série de défaites, un passionné risque de se décourager. Les dernières roustes qu'il a prises, ça l'a esgarni, ça l'a découragé. Il en a son couffle, son sadoule, son tibage. Désormais, ça le gonfle, il est repu. Robert prend parfois des roustes, mais il gagne suffisamment de parties pour que sa passion demeure intacte au fil des décennies. Les boules, pour moi, c'est sacré. Maintenant que je suis à la retraite, je joue tous les jours, hiver comme été, j'ai la fée sauve l'âme.